Vous êtes sur Énergie, bienvenue, bon week-end, c'est Lionel. Ladies and gentlemen, les Énergie Music Awards 2013. C'est encore là. Ils sont toujours devant le yacht Energy, une ambiance incroyable dans toute la France. Vous nous suivez pour vivre les coulisses des Energy Music Awards 2013. Et alors, 16h57, il est arrivé trop tard. Il a raté Alicia Keys, c'est le drame de sa vie. Youssoupha est avec nous sur le bateau. Applaudissements pour Youssoupha. Bravo. T'as raté Alicia Keys. Non mais sans Alicia Keys, ce yacht est un zodiac. Non mais vraiment, ça n'a plus la même saveur. Mais heureusement qu'il y a de grave de l'ambiance. J'ai eu un accueil de dingue en arrivant, donc je suis obligé de kiffer quand même un peu. J'avoue. Big up à tous les gens qui sont juste devant le yacht et qui mettent l'ambiance de fou. C'est la catégorie révélation francophone, Youssoupha. J'imagine qu'elle a fait plaisir quand même, cette nomination. Non, elle fait plaisir parce que c'était une grosse année pour moi, avec pas mal de concerts et surtout des titres qui ont bien marché, comme Dream In, comme On se connaît en ce moment. Et puis donc voilà, on se retrouve au Energy Music Awards. D'habitude, ça m'est déjà arrivé une ou deux fois de le regarder à la télé. Cette fois-ci, je serai de l'autre côté. Donc voilà, j'espère surtout que je vais gagner, j'en suis là, je suis confiant. Ouais, t'as clashé tout à l'heure, hein. Ouais, non. Révélation francophone de l'année. Parce que tu m'as demandé dans quelle catégorie j'étais, mais j'ai dit je m'en fous, quelle que soit la catégorie, je vais gagner. Hein. Je te disais, ben voilà, Bébé Brune, bon, on s'en fout, hein, déjà, Bébé Brune, c'est quoi le nom? Carly Rae Jepsen, déjà, t'es artiste, t'as pas un nom comme ça. Adèle, bon, allez, c'est la chérie, je peux rien faire. Nicki Minaj, mais vas-y, mais qu'elle arrête la teinture, déjà, tu vois, dans le roi. Psy, qui reprennent l'équitation. Aurel San, je te latte, t'as vu, en plus, tout à l'heure, j'avais au téléphone. Cordel, c'est le poteau, mais vas-y, je vais lui couper les cheveux à lui. Non, Kinvé, Matt Pocor, non, je vais gagner. En tout cas, il y a du monde qui te soutient, il y a Brice qui est à Cherbourg qui écoute la radio là avec ses potes du lycée Victor Grignard qui voulait savoir, c'est vrai que c'est la catégorie révélation francophone, toi en 2007 t'as déjà sorti un album, c'est le premier qui s'appelait À chaque frère. Exactement. Depuis t'as réussi, tu t'aperçois que t'as réussi à toucher aussi un public plus large. Au fait, c'est quand on pose beaucoup la question par rapport à révélation francophone, parce qu'effectivement ça fait 15 ans que je rappe et je sors des albums depuis 5-6 ans, c'est mon Noir Désir, c'est mon troisième. Et au fait, je pense que ces révélations surtout ont un sens grand public, parce qu'effectivement les Energy Music Awards sont un événement grand public là, qui on passe un cap par rapport à la masse de diffusion. Et par contre, ouais, ce public là m'a connu cette année à travers des titres comme Dream In, etc. Donc voilà, à mon avis, c'est ce qui explique la catégorie et tout. Mais comme je t'ai dit, je m'en fous là, je viens, je gagne, je ouais, voilà. Bon, je te présente d'autres tes fans, il y a Jimmy et Alan qui sont là, qui sont venus avec nous sur le yacht Energy. Bonjour Jimmy, bonjour Alan. Bien, ils sont au taquet. Salut Jimmy, je vais commencer par toi Jimmy, futur DJ, hein, 13 ans déjà, il commence à mixer et tout. Ouais, mais comme je disais en antenne, quand on s'appelle Jimmy, franchement, on peut faire que DJ. Tu peux pas être chirurgien et t'appeler Jimmy. Non mais vous allez être opéré par Docteur Jimmy. Tu y crois pas, tu vois ce que je veux dire. Jimmy, t'as une question pour Youss. Ouais. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire du rap? Qu'est-ce qui m'a poussé à faire du rap? Au fait, j'écrivais quand j'étais un peu plus jeune, quand j'avais 13-14 ans, j'écrivais. Mais je connaissais pas vraiment bien la rap. Moi, je venais du Congo et j'étais tout jeune. J'écoutais surtout de la musique africaine et tout. Et à un moment, j'écrivais beaucoup parce que j'aime bien la langue française. Et à un moment, mes frères écoutaient du rap. Et j'ai trouvé que c'était la forme d'écriture du rap m'a bien plu parce que c'était spontané, c'était brut et tout ça. Et j'avais des choses à dire sur le quotidien. Donc j'ai commencé à écrire des textes tout pourris au début, hein. Et puis petit à petit, voilà, c'est devenu un peu une passion. Il y en a qui font du judo, il y en a qui font du foot. Moi, quand j'étais plus jeune, je faisais du rap. Il y en a qui mixent comme Jimmy. J'aimerais bien écouter tes mix, hein, Jimmy. J'espère qu'il y a... On va checker l'adresse mail après. Ouais, grave. Et voilà, c'est comme ça. Et puis petit à petit, et puis à un moment, j'ai commencé à sortir des projets en solo. Ça prenait jusqu'aujourd'hui au Energy Music Awards. T'as vu, ça va vite, hein, mais c'était beaucoup plus long que ça. T'as vachement évolué, quoi, depuis. Ouais. Depuis que tu m'as connu, ça, il y a 20 ans. Hein, Jimmy, ouais. Alors, tu te rappelles, il y a 21 ans quand on se voyait. Puisqu'on parle d'Energy Music Awards, Alan, toi, t'avais une question sur la remise de prix de ce soir. Ouais, en fait, c'est. Si tu gagnes l'Energy, il va être dédié pour qui? Ah ouais, ça, c'est une bonne question. T'as déjà prévu un truc Franchement, je prévois pas parce pas que c'est. Non, mais grave, franchement, déjà. Si je gagne, je parle en anglais déjà parce que ça fait stylé. Yeah, I wanna thanks. Yeah, I'm a label. Yeah, yeah, tu vois. Voilà, donc. Mais non, je sais pas, je vais peut-être remercier mon label parce que mon album, je l'ai fait en indépendant. On l'a fait tout seul. J'ai pas de maison de disque, j'ai cette particularité-là. Je crois que je dois être le seul artiste dans toute la liste qui a pas de maison de disque. Et on l'a fait avec des potes, on l'a produit nous-mêmes, on l'a investi, on a mis du temps, de l'énergie et tout. Et c'était un gros travail. Donc quand on est récompensé par le succès critique, le succès commercial et peut-être, je sais pas moi, les distinctions de ce soir, c'est pour mon équipe que j'aurais une pensée parce qu'on a mis nos vies entre parenthèses. parenthèse pour pousser ce disque-là. La cérémonie, c'est à 20h50 hein, sur Energy et TF1. Je crois que Youst avait un vrai cadeau à faire. Ouais. Jimmy et Alan, t'as les trucs dans les mains. Effectivement, je sais pas ce que vous faites ce soir en fait. Je sais pas, toi, tu fais quoi, toi, Alan? Moi, je vois des. Allô, Energy. Alors, moi j'ai deux places de cinéma pour aller voir le dernier film d'André Dussolier. Voilà. Voilà. Donc je sais que pour des jeunes comme vous, ça va vous plaire. Alors, c'est un cinéma juste à côté, non, ça s'appelle le cinéma de quartier. Non, on rigole. Alan, on vous offre les places pour la Energy Music Awards, évidemment. Bravo à vous deux, bravo. Bravo. Merci Youssoupha d'être passé sur le Yacht Energy à Bissotting. Et puis j'espère que vous allez me porter chance ce soir. Et bon show, bon show. Merci, c'est très. Merci beaucoup en tout cas. Bonne soirée à vous et puis plein de bonnes choses aux auditeurs d'Énergie qui nous soutiennent. C'est à 20h50 hein, sur Énergie et TF1. Merci beaucoup Youssoupha. On s'écoute Will.i.am et Britney Spears là. Il est un peu plus de 17h, c'est le week-end. Will.i.am aussi, je vais l'éclater. And you're listening to Énergie.